qui ont petite fille. Petite là, elle a 19 ans. 19 ans. Mais son petite maman serré, guimbé strictement. Il va lâcher du tout. Parce que André, elle te connaît que bagaille qui va arriver, petite là. André, elle te connaît ça, elle te sentit ça. C'est ça que fait. Bébé dit la dit ça va te faire dire maman ou est ce jeune homme ça en face là quand j'ai la paix de garder tout dans la femme yeux tout maman dit bébé dit moi si c'est pas pour bien c'est pour mal divine bien ma précieuse en bien divine mal ma servile en mal aïe aïe. Et puis Dieu, quand ça le fait, il traversait, il dit bonjour la mère dit bon et puis dit moi. La mère me devine mando la mère, si mademoiselle ou avait mando pour lui, moi ben en pile. La mère dit puis dit moi, mais là, caille pour où? J'ai maintenant des cailles pour lui, il comprend que c'est tout bagaille net qui pour lui, hein? Il comprend tout bagaille là dans tout, hein? Et pourtant, il va ça dit tout, bon ouais, ça comprend. Puis dites moi, vous venez bien, ma recevoir bien, vous venez mal, et bien faut que ma recevoir mal, puis dites. Oh, et puis ce qu'on a traversé, quand la même, j'ai remé, ménage, non, béni. Mais, grand monde dans son salva, grand monde dans son kembe, ça quoi dit, fille? Puis dites moi, regardez, kembe. Parce que bagaille ça ouais bon Dieu va nous hein. C'est tout à voir à nous. Si nous prenons nous gaspiller l'albaïli, on perd un paquet de bagaille. C'est lui tout nous. C'est lui tout nous. Kembe là, kembe. Oh. Je vais être ça vivre. Je m'en vais dire mon nom. Pour aller au cinéma, oui. Le monde a dit petit, mais aller au cinéma. Allons bien, maintenant bien. Oh, là le cinéma, oui. Pendant le cinéma, la palatine, on a besoin de faire qui comme à connaître et que qu'on parle français. Pour façon pour doubler, qui comme à, ça qu'on dit comme à. Oh oui, chérie, on n'aurait pas le savoir de dire ça. On aurait dû de comprendre, c'est dans lesquels radicales à la maison du peuple. Tout ça, français. Tout français. Bonne français. C'est parti français. Français. Oh. Quand vous n'avez pas mon salaire. Monsieur même rivé la rallye, j'ai plein. J'ai dit pour moi-même, j'aime ces nègres qui mettent dame. Pour nous trouver un ménage dans mes mains. Même bon bacabo. Nous faisons pas qui drôle, même bon bacabo. Samedi, pour aller dans le cinéma, je ne sais pas où est-ce que ça est. Oh, mon nom même gambe la petite fille petite moi gambe gambe gambe gambe gambe gambe gambe petite moi gambe gambe gambe gambe et puis ça va dire non mon petite fille chérie bon bah vous me dites oui comme elle dit qui ça va dire qui ça gambe pour dire moi qui ça gambe pour dire oui bon bah vous me dites ouais son bagage m'a fait pour vous. Son bagage m'a fait pour vous. Et son même seul qui a une chance qui vous jouer un bagage ça. Pas un monde qui a une chance encore. C'est vous seul qui a une chance ça pour faire bagage ça. C'est comme elle dit, qui bagage pour faire. Vous êtes tout capable de faire un temps parce que nous étions 15 ou 22 jours pour nous marier. Vous êtes tout capable de faire un temps. J'ai dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bagala m'a fait pour avoir senti, bagala, pour que vous sentiez. C'est comme elle dit, vite dit que je non, vite dit que je non. Bon oui, t'as des chéris, mais ça me capte. Mais ça me capte, chéri. Mais ça me capte. C'est pas rien, mais ça me capte. Et bien tout ça m'a fait pour moi, sont même seuls qui ont une chance pour que je bagage. C'est bon rien. Mais ça m'a fait pour moi. Ouais, regardez. C'est qui tête là, ma baou. Qui tête là. C'est qui tête là, ma baou. Et puis quand mon nom, même temps d'affaire des petites têtes, tout le monde a dit, oui. Mais j'ai envie de frager les petites moyens. On a fait des petites têtes. Petites têtes. Petites, mais regardez, non. A fait petites têtes, ça, ouais. Petites têtes, ça, ouais. Il bague les épaules. Je vous prends des têtes là, moi prends tout. Nous parler, nous parler, nous parler. Et puis ça va dire grand monde, ça va dire grand monde, ça va dire grand monde. Oh oui, maman, ça va dire, dis-moi, vous me connaissez, si c'est beauté, beauté, vous me beauté. Dis-le que t'en as fait déjà, oui. Qu'est-ce qu'on a fait déjà, oui.